le char de feu. Monsieur l'archevêque, ma mère, vous voyez l'horloge dans la cour. Quelle heure marque-t-elle? Midi. Ma mère, monsieur l'archevêque, juste le 9e jour de notre neuvaine, guéri, sur pied. C'est un miracle, comme celui de la Sainte Épine. Il entre dans la chapelle. Il a bien du monde avec lui. Monsieur le grand vicaire, monsieur l'official, ses aumôniers. Faites guérir notre révérende mère et notre mère prieure. S'il s'agissait d'une visite régulière, il l'aurait annoncé. Je ne puis comprendre. A-t-il su nos prières? Dieu l'a-t-il touché? Ne viendrait-il pas? Il y a des nuages qui se dissipent d'un coup. Il y a des crises qui se dénouent, on ne sait pourquoi. Comme elles ont commencé, on ne sait pourquoi. Dans une demi-heure, nous serons peut-être innocentes. Nous le sommes peut-être déjà. Quoi donc? Est-ce qu'on va nous retirer la persécution? En auriez-vous du dépit? Mais s'il y a de l'honneur à souffrir, il y a autant d'honneur à accepter de ne souffrir pas. Allez, on souffre toujours. Que le mal vienne ou non, l'angoisse est venue. Et le sillon qu'elle a creusé ne se comble jamais. Au nom de Dieu, ma mère, que pensez-vous de ceci? Que nous veut mon Seigneur? Je ne sais. Mais vous êtes abaisse, allez vite l'accueillir. On n'a que trop tardé. Seigneur, nous bénissons Dieu pour votre guérison imprévue. Vous voici debout, le 9e jour précisément de la neuvaine que nous faisions pour vous. Je vous remercie, ma mère. Je suis sûr que vos prières ont aidé à cette guérison. C'était une fièvre double tierce, dont j'ai eu 5 ou 6 accès. Mon premier, le mercredi, qui me venait de la messe de Monseigneur le Nonce, dont j'ai eu grande fatigue. Mon second, le jeudi, qui me venait de l'office du Saint-Esprit, dont j'ai eu aussi de la fatigue. Les autres, le vendredi et le samedi, qui me venaient de je ne sais quoi. Les premiers accès ont été violents, les derniers assez peu considérables. On m'a tiré jusqu'à 6 palettes de sang, ce qui est rare. Mais hier soir, la fièvre est tombée. Et je puis dire que, nonobstant une difficulté sensible à m'endormir, pensez donc, j'ai dû prendre jusqu'à 5 petites graines. J'ai passé une nuit bienfaisante. Voilà une réclusion, monseigneur, qui vous aura du moins procuré quelque repos. Oui, mais pendant ce temps, les affaires s'accumulent. Et les affaires de Port-Royal... J'en ai dans mon cabinet un dossier haut comme cela. Vous êtes par excellence un lieu de silence et de retraite. Ce jardin, ce parc plutôt, me rappelle le jardin de ma grand-mère. Ça fait ainsi longtemps. Que disais-je? Oui, vous êtes par excellence un lieu de silence et de retraite. Mais j'en entends parler que de vous. Il y a 4 mois que je suis à l'archevêché. Et en ces 4 mois, grâce à Port-Royal, je puis dire que j'ai vieilli de 25 ans. Il me semble qu'il ne tiendrait qu'à vous, monseigneur. Il ne tiendrait qu'à monseigneur? Eh bien. Nous souhaitons, monseigneur, que votre visite soit bonne et non mauvaise. Elle sera bonne. Cette visite réussira à la gloire de Dieu et à celle de votre maison. J'aime votre maison. Et je puis vous jurer sur cette croix que je ne vous veux que du bien. Je témoigne de la joie de nos sœurs en vous voyant venir, autant que de leur ferveur quand elles priaient pour vous. Je suis leur très humble et obéissant serviteur. Oui, je vous supplie de trouver bon, que je vous demande quelques instants à d'autres, je dirais, de votre loisir. À vous, je dis, de vos saintes occupations. Je passerai les jours entiers à vous entretenir, et il ne me durerait qu'une heure, voyant que vous voulez bien m'écouter. Mais ce n'est pas tout que d'écouter. Il faut aussi se laisser convaincre. Il faut aussi obéir. Monsieur Bell et Monsieur Chamillard, il y a 10 jours, vous ont trouvé dans un arrêt d'esprit intraitable. Rien n'est-il changé depuis? Non, monseigneur, rien. Je m'en vais cependant vous demander à toutes et en particulier votre résolution. Après ça, je consulterai ce que Dieu et mon jugement me suggéreront de faire. Cette consultation est superflue. Je connais les dispositions de nos filles et puis répondre de toutes. Est-ce là votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Ma mère! Nous pensions... Non, obéissez! Vous... Toutes choses viendront ensuite, mais obéissez d'abord. Ma bonne mère, me faites-le pour l'amour de moi. Cependant, non, non, non, ne disputez pas, obéissez. Vous disputerez ensuite. Nous refusons de signer. Le pape condamne cinq propositions hérétiques dans le livre de Jean Zénus. Moi qui suis votre supérieur légitime, je vous affirme qu'elles y sont. Cependant, vous n'en croyez rien. Vous préférez les lumières de vos messieurs et vous y brûlez comme les papillons aux chandelles. Ce que vous croyez, ce sont eux qui vous disent que les propositions ne sont pas dans Jean Zénus. Que le pape l'a condamné sans savoir ce qu'il faisait, qu'il s'est laissé mener par le nez, qu'il a été acheté par les jésuites, que cela leur a coûté bien cher. Voilà les sornettes qu'ils vous limitent. Et vous croyez ces gens-là, qui n'ont ni caractère, ni pouvoir dans l'Église, ni autorité sur vous. Vous optez pour leur jugement contre celui du pape et de toute l'Église. Et pourquoi cela? Il n'y a pas de raison. Sinon, qu'il faut jouer au martyr. Ah, que cela est beau d'être un peu opprimé. Et moi, je vous dis que tout cela est pitoyable et que vous êtes de pauvres filles, à l'esprit faux, vain et buté. Mais vous ne répondez rien. Nous ne pouvons signer, Monseigneur, contre notre conscience. Ah, je vous respecte, Monseigneur. Je vous respecte en tout ce qui m'est possible. Mais jusqu'à ma conscience. Jusqu'à ma conscience, parce que cela, je vous baisse les mains, Monseigneur. Voilà le langage qu'on me tient depuis 4 mois. Eh bien, le mal étant sans remède, maintenant, je vous prie et vous ordonne de faire assembler sur le champ la communauté. Monseigneur, voulez-vous que l'on cherche votre faute? Non, je ne veux pas de faute, je ne m'assurerai pas. Ainsi, Monseigneur, nous sommes hérétiques. Je ne dis pas que vous êtes hérétiques. Même s'il n'en fallait juger que parce que nous avons vu à Port-Royal, je dirais que cela n'est pas. Mais par toute la France, tout le monde le croit et le dit. Mais vous connaissez le proverbe, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hélas, Monseigneur, le proverbe n'est plus faux. Il y a de la fumée sans feu. Il suffit que quelques méchants le veuillent. Quand les scribes, les prêtres, les pharisiens et le peuple entier disaient à notre Seigneur qu'il était un samaritain, c'est-à-dire un hérétique, les fallait-il croire? Encore que tout le monde le dit et que ce fut la voie publique. Et qu'y a-t-il de comparable entre notre Seigneur et vous? Voilà-t-il pas un orgueil exorbitant? Entre personnes privées, pour condamner, il faut les preuves. Mais un roi condamne sur de simples soupçons. Quand notre Seigneur viendra juger le monde, il ne jugera pas sur ce qu'il verra. Mais sur ce que lui dira son père, sic audio, sic judico. C'est sur ce que j'entends que je juge. Mes sœurs, puisque tout ce que j'ai fait à ce jour a été inutile, je change de langage avec vous. Je vous commande, sous peine de désobéissance, de souscrire à mon ordonnance et au formulaire qui est au bas. Nous ne le pouvons point. Votre mère m'a dit que votre accord était entier là-dessus et que des consultations particulières étaient superflues. Approuvez-vous votre mère? Oui. Vous ne souscrivez non point à l'ordonnance, ni au formulaire? Non, Monseigneur. Avec la grâce de Dieu. Voilà la grâce de Dieu bien appliquée. Alors, si jamais homme a eu sujet d'avoir le cœur outré de douleur, je puis dire que c'est moi. Vous trouvant tout dans l'opiniâtreté et la révolte, préférant par orgueil vos sentiments à ceux de vos supérieurs, et ne voulant point vous rendre à leurs avertissements et à leurs remontrances, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui rebelle et désobéissante à l'Église et à votre archevêque, et comme tel, incapable de la participation au sacrement. Je vous défends de vous en approcher comme un être indigne, ayant mérité d'être puni et séparé de toutes les choses saintes. Point de directeur, point de confesseur, point d'eucharistie, point de viatique, point d'extrême-onction, point de sépulture en terre sainte. J'ajoute à mon arrêt défense de voir qui que ce soit du dehors jusqu'à nouvel ordre. Nous, les filles du Saint-Sacrement, privées des sacrements, tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes n'est donc jamais compté pour rien. Aujourd'hui est le jour de l'homme, demain viendra le jour de Dieu. J'ai regret de vous faire souffrir, ma mère. En vérité, je ne souffre plus guère, monseigneur. Mais s'il m'arrivait de souffrir, je crois que je ne discernerais pas les personnes qui sont l'instrument de cette souffrance. Une sérénité de fatigue ne messied pas à notre bonne mère. Quoi ? Que Dieu nous juge digne de ceci ? Des archers dans la cour, une compagnie d'archers en ordre de combat avec le mousquet et l'arbalète, comme les légionnaires autour du Christ dans le prétoire. Oh, c'est trop de gloire pour nous. Nous ne communierons plus. Mais Saint Bernard assure que c'est communier au corps et au sang de Jésus-Christ que de participer à ses souffrances. Notre communion ? La voici. Vous avouez que vous faites fi de la participation au sacrement. Ça aussi sera noté. L'auteur des sacrements nous importe plus que les sacrements. Mais d'où sortent ces hommes? Ils étaient défilés dans les rues traversières du faubourg, avec les carrosses de la police qui arrivent. J'attendais que ces messieurs fussent venus pour vous dire encore quelque chose. Il y en a 12 d'entre vous, les plus rebelles, que je vais ôter sur l'heure de ce monastère. Elles seront confinées chacune dans un couvent différent. Voici leur nom. La mère Madeleine de Sainte-Agnès, abbesse. La mère Catherine Agnès de Saint-Paul, coadjutrice. La mère Marie Dorothée de l'Incarnation, prieure. La sœur Angélique Thérèse, la sœur... Marguerite. Marguerite Gertrude, la sœur Marie-Charlotte de Sainte-Claire, la sœur Françoise-Louise de Sainte-Claire, la sœur Angélique de Saint-Jean, la sœur Agnès de la Mère de Dieu, la sœur Madeleine de Sainte-Candide, la sœur Anne de Sainte-Eugénie, la sœur de Sainte-Agnès. Dieu des chrétiens, pardonnez à votre Église. Monseigneur, nous nous croyons obligés en conscience d'appeler de cette violence et de protester de nullité de tout ce qu'on nous fait et qu'on nous pourra faire. Appeler, protester, je me moque de cela. Je connais mon métier, me semble. Et n'est-ce pas indécent? Toujours dans ce monastère, un jargon de procédure. Monseigneur, votre fauteuil. Ne vous ai-je pas dit déjà que je n'avais que faire de mon fauteuil? Voyez pas que je suis hors de moi. Si nous répondons, on nous accuse d'être chicanières. Et si nous nous taisons, on nous accuse d'orgueil. On nous force à la procédure en nous faisant sans cesse injustice, et ensuite, on nous reproche de savoir des termes de procédure. Toujours à vous plaindre, toujours l'aigreur et l'air blessé. On nous accable, et ensuite, on nous reproche d'être aigri et blessé. J'ai nommé dans ma liste la sœur Françoise-Louise de Sainte-Claire. Eh bien, il n'y en a pas une parmi vous qui se nomme de la sorte? Non, monseigneur, mais nous avons la sœur Françoise Claire. Eh bien, c'est elle, sans doute. Qu'elle vient ici. Ma sœur Françoise Claire est célérière. Il ne peut partir sur l'heure sans avoir mis en ordre les affaires et les comptes. Elle est en outre, je crois, toute dévouée à monseigneur et n'est sûrement pas de celle qu'il doit vouloir mettre dehors. Oh, mais je vous reconnais, ma fille. Je sais que vous êtes une fille raisonnable. Je rends bon témoignage de vous. Regardez cela, cela est doux comme un agneau. Non, non, ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. Et d'où diable peut venir cette erreur? Ah mais, j'ai tout préparé pour 12 filles, moi il me faut mes 12. Quand j'ai dit une chose, il faut qu'elle soit, je n'aurai pas de démenti. Je vais en mettre une à la fois. Monseigneur, peut-être ma sœur Anne-Cécile qui sert notre mère et qui lui serait bien utile. Eh bien, faites sortir la sœur Anne-Cécile. Et puis, voilà, assis là-dessus. Messieurs, vous savez maintenant ce que vous avez à faire? J'ai l'ordre de rompre les portes en cas qu'on refuse d'obéir. Refoulez ces filles dans la clôture, elles vont partir sur l'heure. Qu'elles aillent chercher le principal de leur arbre, le reste leur sera apporté demain. Dieu est contre nous! Qui a dit Dieu est contre nous? Et soyez contentes que nous nous en tenions là, et ne cherchions pas à mettre la main sur l'esprit. Qui a dit Dieu est contre nous? Venez, je ne veux pas voir cela. Nous demeurons. Notre présence peut modérer les choses. Je confesse que le spectacle de tant de fermeté... Il ferait beau voir que n'importe quelle sottise devint bonne et sublime, simplement parce qu'on s'y tient ferme. Est-ce que l'ânesse de Balaam avait de l'esprit, qu'on avait beau rouer de coups, qu'il n'y avait pas moyen de la démarrer? Faites retirer ces hommes, monseigneur. Nous protestons et nous en appelons, et nous obéirons sans qu'il soit besoin de recourir à la violence. Nous sommes dans votre main. Le seul mouvement qui nous soit possible est d'espérer que vous n'en abuserez pas. Non, ma sœur, nous sommes entre les mains de Dieu. Il y a du plaisir, même dans la crainte, à s'y voir dépendant de sa miséricorde. Pauvre sœur de Sainte-Flavie, ah, tu es bien à plaindre. Hélas, que j'ai de douleur, je ne sais où j'en suis. Mais quoi, ma sœur? Ne voulez-vous pas être affligée? Tous les grands saints ont été. Vous avez sûrement beaucoup plus d'esprit que pas un de nous autres, ma sœur. Mais le roi ne veut point de fondeuse. Le temps de la fronde est fini. Et qu'avons-nous de commun avec la fronde? On nous marque d'un mot attentivement choisi. Juste celui qu'il faut pour nous perdre. Nous écrivons blanc et l'on affirme avec indignation que nous avons écrit noir. On dit qu'au monastère, nous ne voulons pas d'image. Nos cellules en sont pleines. Que nous ne communions pas assez souvent. Nous communions au moins 2 fois par semaine. Que nous n'avons pas de chapelet. Et voici, il suffit de voir, mais on ne veut pas voir. Ce qu'on veut, c'est voir le contraire de ce qui est. À peine une calomnie détruite, on en invente une autre. Monsieur le lieutenant civil, en 1661, vous avez fait chez nous jusqu'à 7 expéditions en 4 mois. Il vous arriva de faire secouer les matelas pour voir s'il n'y avait personne caché dedans. Cette fois, vous voudrez bien prendre garde au matelas sur lequel une de nos sœurs agonise. Car il y a toujours une de nous, ici, qui est en train de mourir, pendant que la police est en bas. Ma mère, si j'ai fait secouer les matelas, c'est que mon office était de le faire. Et je ferai cette fois aussi tout ce que je jugerai bon de faire. Et vous m'y forcerez d'autant, si vous le prenez sur ce ton avec moi. Quand notre sœur sera morte, nous placerons entre ses mains une requête à notre Seigneur pour en appeler à lui de votre violence, et nous l'enterrerons avec cela. Toujours des requêtes, toujours des paperasses. C'est le monastère de l'écritoire. Ah, si vous et vos messieurs, vous pouviez être 6 mois sans écrire, ça donnerait la paix. Tenez bon, ma mère, il y en a ici qui vous admirent. L'énergie, je la trouve dans mon corps. Le courage, je le trouve dans la prière. Ni mon corps, ni Dieu ne sont moi. Admirez donc pas. Quelque traitement que nous devions souffrir par la puissance séculière, ce nous sera une consolation, monseigneur, si notre sang ne retombe pas sur vous. Comment? Que dites-vous? Je dis que nous serons consolés de tout ceci pourvu que notre sang ne retombe pas sur vous. Je n'en dirai pas plus, monseigneur. Restons dans le silence de Jésus-Christ durant sa passion. Nous nous sommes assez justifiés sur la terre. Il y a aussi un mauvais silence, ma sœur. Douze filles de la Visitation Sainte-Marie remplaceront celles de vous qui partent. Elles vont arriver tout à l'heure. Parmi elles sera la mère Eugénie, personne de grande vertu, qui vous gouvernera comme notre commissaire. Nous la récusons. Elles détruiront en 6 mois ce qu'on a mis 60 ans à édifier. Vous ne savez pas comme c'est facile de détruire. On peut nous ôter les branches qui dépendent des hommes. On ne peut nous ôter la racine qui ne dépend que de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Il y a du bruit dans la rue. Est-ce qu'on se rassemble? Il y a 5000 personnes autour du monastère. Tout le faubourg est bien au-delà. Pour elle ou pour nous? On paraît surtout indifférent, mais c'est à la merci d'un faux pas. Elles ont peut-être des gens armés dans leur jardin. Disposez une partie de vos hommes dans les jardins. Monseigneur, si vous me priez à l'avenir pour une semblable exécution, veuillez qu'on me dise à l'avance pourquoi l'on m'envoie, car ce que vous me demandez ne me plaît point. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. S'il y a péché, il est pour moi. Voyez, mes sœurs, comme par votre obstination, vous nous faites tous souffrir. Et voyez combien de pensionnaires on a dû vous ôter à cause de cette obstination. Combien on aurait pu vous en donner? J'aurais peut-être été religieuse. Si toutes ces âmes se damnent, c'est vous qui en répondrez devant Dieu. Or, cela est atroce.